Je me présente la famille, moi c'est Yann Flo. Je peux rien faire pour toi si t'as pas de flow. Je viens tout droit des ghettos chic où ça pique quand ça kick. Comme le chili con carne d'eau del Paso. J'avoue être fidèle, pas comme Castro. Les MC sont trop faibles dans son macastro. J'avais pris ce terrible, mon pays la Jerry. J'ai des histoires, quoi foutre une gastro. Y'a de la technique, du flow et de la vibe. Sans oublier les textes à méditer. Dans la musique, t'es pas ma wife. J'espère savoir où me diriger. Maître Meggy m'a dit mets les voiles. Pas une seconde, je n'ai hésité. Mais d'abri pour bouger la dalle. Je viens la mettre à ceux qui ont négligé. J'ai plus trop envie de plaisanter. Je vois que t'as toujours un peu de mal à me cerner. La première fois qu'on m'a présenté, t'as pas compris où tu t'es senti berné. J'ai plus trop envie de plaisanter. Je vois que t'as toujours un peu de mal à me cerner. La première fois qu'on m'a présenté, t'as pas compris où tu t'es senti berné. J'ai commencé à débiter. On m'a jeté l'œil, tu peux m'appeler Survivor. J'fais mes bails dans l'obscurité. J'avançais seul comme un rider. Boy, si tu veux la vérité, j'm'en tire les choses de ta life. J'atteins une telle dangerosité. J'concocte des trucs de malade. Que j'rappe ou que j'chanterai, de façon tout est carré. J'suis paré, on me répète souvent que dans ma tête j'suis pas solo. Vous êtes des rigolos. J'bosse toujours comme des night, vous faites que vous marrez. C'est contre moi-même que je me fight, sais-tu que j'ai démarré sous l'eau. Casquette dans Texpolo, fin et d'arrache. J'ai plus trop envie de plaisanter, j'vois que t'as toujours un peu de mal à me cerner. La première fois qu'on m'a présenté, t'as pas compris où tu t'es senti berné. J'ai plus trop envie de plaisanter, j'vois que t'as toujours un peu de mal à me cerner. La première fois qu'on m'a présenté, t'as pas compris où tu t'es senti berné. Les choses se passent, j'trace mon chemin one two step. Quand j'kick, j'mets des teutes à home rouspète. J'évite les délits, la routine on embellit. Moi mon délire, j'déchire le beat comme un pute face à un bootstack. Zéro pression comme Tony Dia face à 12 têtes. J'avais la technique et j'ai vite compris que vous étiez tous bêtes. Tous bêtes, ou peut-être bien. Tu comprendras et tu sauras, nigga who's bad. Yeah, nigga who's bad. My man, nigga who's bad. Yalla yalla. De plaisanter, je vois que t'as toujours un peu de mal à me cerner. La première fois qu'on m'a présenté, t'as pas compris où tu t'es senti berné. J'ai plus trop envie de plaisanter, je vois que t'as toujours un peu de mal à me cerner. La première fois qu'on m'a présenté, t'as pas compris où tu t'es senti berné.